J'aime aussi Tchaïkovski et ses riffs à l'infini, et Clearlight Symphony et son piano rêverie, le Brian de Palma et son fantôme du paradis. Ah, au fait, les Docks qui ne passent jamais à la radio, le chanteur de Marquis de Sade, Generation X à la recherche de Kenny. The bus.